s'en revend et me reviennent. Entre mon sourire et mes veines, faudra bien s'y faire. Je me laisse faire, noyé par une pluie diluvienne, quelque part entre l'amour et la haine, mes poings se desserrent. Je me laisse faire, qu'est-ce que je fais encore à terre, presque aussi mort que la poussière, j'ai même plus la force de soulever le poids de mes quelques années. Le souvenir tendre d'hier n'est déjà plus qu'un grand cimetière. Je reviendrai me recueillir et voir ton corps pour me guérir. Je laisserai danser comme chaque fois de vagues prières entre mes doigts. Je ne connais pas de religion, alors j'appellerai encore ton nom. Mélodie, Mélodie, Mélodie, Mélodie. Les cendres vont et me retiennent. Les éléments se déchaînent, aveugles et perdus, quoi qu'il advienne. Il n'est qu'un mot qui me revienne. Mélodie, mélodie, mélodie, mélodie, mélodie. Yeah.